Thierry, 23 ans, de Montrouge, c'est parti pour le jeu de la vérité. Trois jokers et Julie Gaël, vous donnez juste les prénoms des personnes, hein, vous me les annoncez, on va aller plus vite comme ça. Thierry, bonsoir. Oui, bonsoir, je voulais poser une question à Gérard. Bah oui, je me doute bien parce que je me doute dans bien. Dans la tête, vas-y. Gérard, es-tu réellement hétérosexuel? Non. Non, mais faut répondre plus que ça. Pourquoi, Gérard? Faut répondre. C'est pas juste par oui, par non, le jeu de la vérité, on va pas s'en sortir. Pourquoi tu n'es pas hétéro? Qu'est-ce qui, comment nous prouver que t'es pas hétéro? Ben, de manière, tu veux dire, par là, avec une nana? Je suppose. Oui, bien sûr. Ah bon? Alors, dans ce cas-là, je vais te dire, tant que j'aurais pas trouvé la chaussure à mon pied, pour l'instant, je resterai comme je suis. C'est-à-dire? Ben, je resterai célibataire. Voilà, mais pas hétéro. Voilà. Voilà. Pas donc, hétéro, alors? Donc maintenant, la première nana qui est prête à venir avec moi, ben, d'accord. Elle sera la bienvenue. Donc, suite à la question à Thierry, chaque personne dans le rock a une question, mais juste pour que tout le monde comprenne bien, c'est le jeu de la vérité. Donc pour conclure sur la question de Gérard, Gérard, tu peux le dire, est-ce que Gérard est un hétérosexuel? Tu réponds non. Non. Non. Gérard n'est pas un hétérosexuel. Ah bah, c'est... je suis très content de bah, savoir. J'allais le dire, on est content de l'apprendre également, parce qu'il y a encore des gens qui étaient persuadés que Gérard était un hétérosexuel. Non, Gérard n'est pas un hétérosexuel. Voilà, Thierry. D'accord, bah, je vous remercie. Hein, pas de problème. Bonne nuit à toi, amuse-toi bien. Avant de retrouver les débats de Gérard sur Fun Radio et la Radio Libre de la Nuit au 0800 70 5000 et 0803 08 5000, c'est le jeu de la vérité sur Gérard qui accepte de répondre à toutes vos questions. Il aura le droit exclusivement qu'à trois jokers s'il ne souhaite pas répondre à une question qui lui semble un petit peu trop pertinente. Mais je pense que Gérard aujourd'hui est en pleine forme et à mon avis il n'utilisera pas ses jokers. Je crois qu'il est capable ce soir. Je crois qu'il est capable de répondre à toutes les questions ce soir. Je pense que les trois jokers, je sais sur où qui vont atterrir. D'accord. Julie ou Gaël, quelle est la personne maintenant que nous allons accueillir pour le jeu de la vérité? Gizmo. Pardon? Gizmo. Bonjour Gizmo. Bonjour Max. T'as quel âge et t'appelles d'où? J'ai 20 ans, j'appelle de Paris. Ouais, donc pour rester dans l'anonymat, je m'appellerai Gizmo. Non, bah, t'inquiète pas, je t'ai déjà eu la semaine dernière lors des Omnis. Et tu m'as eu plus que ça encore, mais bon, c'est pas grave. D'accord, bon. Allez, c'est inconnu. Gérard, j'ai une question à te poser malgré que je te connaisse par cœur. Et je sens que je vais te faire sauter un joker. Alors vas-y. Oui. Alors Gérard, est-ce que tu te considères plus comme petit A, un four à pipe, petit B, un garage à bite, petit C, un hangar à queue, petit D, un fournil de pénis, petit E, une cave à quéquette, ou petit F, un enculé, tout simplement? Eh ben dans ces cas-là, Non, c'est le jeu de la vérité. Eh ben dans ces cas-là, tu sais ce que je vais te dire? Ben je vais te dire joker et tu retournes au standard. Et voilà, j'ai eu ce que je voulais. Voilà, gagné. Attendez, joker, donc Gérard n'a plus le droit que d'utiliser deux jokers. Voilà. Si vous voulez participer, donc... Et si c'est possible, pas les mêmes qu'on a déjà eu au son, qu'on a déjà lors de tous les débats, je voudrais que ça soit une d'avoir des nanas et de varier vraiment les plaisirs, profitons-en pour qu'il n'y ait pas toujours les mêmes. Le jeu de la vérité, vous posez toutes les questions que vous souhaitez. Surtout un maximum de nanas. À notre ami Gérard, que je puisse terminer mes phrases, au 0870 5000 et 0803 08 5000. Est-ce que Gaël ou Julie peuvent nous passer une autre personne? Il s'agit de David. Bonsoir David. David? Allô? Oui. Oui, bonsoir Gérard. Bonsoir David. T'as quel âge et t'appelles d'où? J'ai 20 ans, j'habite à Paris. Comme par hasard. Comme par hasard. Bonsoir la France et bonsoir à tous les opprimés qui l'ont été. Non, bah alors là, moi, c'est même pas la peine Non, mais je joue pas au jeu de la vérité avec ceux qu'ont l'habitude des débats. Alors vas-y. La vérité est ouverte à tout le monde, monsieur. Non, c'est vrai. De toute manière, tes questions, tu vois, tout de suite. Attends, c'est toi. Tout de suite, ça va être le joker d'entrée pour toi. Ah, avec Paul Cassé. Moi, ça sent la réponse, ça va peut-être pour y répondre. David, on écoute ta question. Gérard, j'aimerais savoir s'il est vrai qu'en ce moment tu te masturbes 20 fois par jour depuis que tu as signé ton nouveau contrat bien payé pour l'année 98 avec Europe 1 et Uber. Et voilà, eh ben joker, dans ce cas-là, tu viens. Con, pourquoi tu utilises des jokers comme ça? T'aurais pu y répondre facilement. De manière, ils savent très bien que je n'ai jamais signé sur Europe 1. Eh ben pourquoi tu le dis pas au lieu d'utiliser ton joker? Ils le savent. Eh ben dis-le, c'est le jeu de la vérité. Ils le savent. Non, ils le savent. J'ai déjà dit à l'autre abruti de François. Non, laisse-moi mettre un joker. Hein. Bon, bah alors d'accord, bah t'as plus qu'un joker, t'auras pas l'air d'un con dans 5 minutes parce que tu non, répondre toujours. Deux jokers. Non, il reste encore deux. Non, je viens d'y répondre. Je viens d'y répondre que c'était non. Alors, maintenant, au standard. Maintenant, vous ne choisissez pas les mêmes que les débats. Non, c'est vrai, il faudrait changer. S'il vous plaît, profitons des gens qui appellent. Les standards, il y a 24 lignes qui sonnent. Ça change. C'est pas toujours. Non, mais là, changez un petit peu parce que là, sinon, on s'en sort pas. Je ne connais pas ce que ça soit les mêmes non plus. Donc, la question de David était, est-ce que tu te masturbes 20 fois par jour depuis que tu as signé ton nouveau contrat avec Europe 1? Tu réponds donc non. Voilà, donc quoi? Non, et j'ai jamais signé avec Europe 1 pour l'instant, d'accord, David? Et je vois pas le rapport. Parce que sur Europe 1, c'est pas ma voix. D'accord? Oui, et sur RTL 2, t'as pas signé peut-être? Non plus, tu vois. Ouais, ça fait comme celui qui a appelé à 10h, à 22h en début d'émission, qui a été dire que c'était moi qui passais dans une pub pour une pub d'assurance. Ouais, on t'a même vu pour des dîmes à la télé. Oui, c'est ça. Ouais. Et on t'a jamais dit que t'étais un peu taré? Ça on a déjà dit, mais c'est parce que je le tue déjà. Ouais, si tu sais que tu es taré. Ouais, ben bonne nuit. Voilà, bonne nuit, David, qu'on retrouvera sûrement ce soir lors des débats. Non, ça m'étonne. Je rigole. C'est toujours le jeu de la vérité sur Fun Radio. Toutes les questions que vous pouvez poser à Gérard. Il lui reste encore deux jokers au 0870-5000. Et Gaël, nous accueillons... Tony. C'est pas le même. Tony, bonsoir. Tony, t'appelles d'où? Non, c'est pas le même. Je reconnais sa voix. Bonsoir, Tony. D'où? De Rennes. Bonsoir, Tony. Ouais, je voudrais savoir, Gérard, si t'es pas hétéro... Non, c'est pas lui. T'es homo? Non plus. Bah, c'est quoi? Non, je te dis. J'ai dit que tant que j'aurais pas trouvé la chaussure à mon pied, je resterai comme je serai. C'est-à-dire? Donc, je reste hétéro pour les nanas, mais pas homosexuel, d'accord? Bah, j'ai bien précisé tout à l'heure. Non. Bah, t'es quoi alors? Ben, pour l'instant, j'attends de trouver la chaussure à mon pied, c'est tout. Voilà, donc il est. Pour l'instant, je reste célibataire. Pour l'instant, il n'est pas hétéro, il n'est pas homo, il est chaussure à son pied. Voilà, donc j'attends de trouver la chaussure à mon pied. Et voilà, c'est tout. Sur les shots de la loco, c'est quoi? Non, mais alors là, je vais te dire une chose, tu vois. Là, tu vas quand même un peu loin sur les questions, d'accord? C'est le jeu de la vérité. Bah ouais, non, mais tu réponds. Mais alors, je vais te dire une chose, que dans les shots de la loco, il s'est jamais rien passé. Voilà, c'est ça le jeu de la vérité. Allez, vas-y! Il s'est jamais rien passé, il se passera jamais rien, d'accord? Alors, évitez de me parler des chiottes de la loco. Ah, mais ils peuvent parler de ce qu'ils veulent, c'est à toi de prouver ce soir la vérité. Donc la vérité, donc, c'est qu'il n'y a jamais rien eu. Donc il n'y a jamais rien eu et il ne se passera jamais rien dans les chiottes de la loco. Mais Gérard, j'ai vu des photos sur Internet. Mais non, mais attends. Déjà, sur Internet, là pour l'instant, on peut pas le voir parce que je sais pas s'il y est toujours. Ouais. À l'heure actuelle, pour l'instant, il n'y a aucune photo que j'ai vue de positif. Ah, je n'ai toujours rien vu. C'est vrai que ce sont des photos de négatifs en noir et blanc quand on l'a vu à poil. Je n'ai toujours rien vu par rapport à toutes les soirées qu'on a faites. D'accord. Voilà, Tony. Ok, Tony. Ouais, ok, ça marche. Bonne bourre à toi, amuse-toi bien. Le jeu de la vérité ce soir avec Gérard, c'est la première fois que Gérard accepte d'y jouer. Et ça se passe plutôt bien. Tu vois, Gérard, quand on passe dans la loco, tu dis simplement, tu racontes, tu dis la vérité. Non, mais ce sera pas que la première. On en fera tous les jeudis soirs avant les débats. On verra, on va tourner en rond sur les questions. On verra. Faut que ça soit aussi une surprise. Faut pas que ça devienne non plus une habitude. Ouais. Gaël, on accueille. Stéphane, bonsoir. Pas beaucoup de filles, hein. Bonsoir Stéphane. Salut Max, salut Gégé. T'as quel âge et t'appelles d'où? J'ai 22 ans, j'appelle de Bordeaux. Très bien, on t'écoute. Donc, mon cher Gégé, j'aurais aimé savoir si tu étais puceau. Là, je vais te dire une chose, tu sais quel âge que j'ai quand même? Ouais, à peu près. 47 ouais. ans. J'ai 76 ans. Pas moins? Et maintenant, pas moins. Ah, quel âge? 37. 36, ouais. Non, 36, ça fait 63, pardon, excuse-moi, c'est moi qui me suis gouré. Donc, ça me fait 63 ans. Ouais. Donc, puceau, non, parce que bon, j'ai quand même déjà fait un enfant. C'est pas parce qu'elle est plus là que... C'est pas parce que je suis divorcé que... Bon, c'est pas... Bon, parce que je suis divorcé, que je vais pas me remettre avec quelqu'un, au contraire, je voudrais bien me remettre avec quelqu'un. D'accord, mais là, la question, parce que tu es en train de parler de trucs dont tu n'as pas envie d'aborder. Non. D'accord, mais alors ça contredit en fait ce que tu disais au début. C'est-à-dire? Avec qui as-tu fait un enfant? Avec quelle personne? Enfin, sans parler de nom ni rien, était-ce un être humain, était-ce un animal, était-ce une femme? C'était une femme et cette personne-là est partie habiter à Lyon, voilà. D'accord, voilà. Donc si tu es une femme, c'est que donc tu as fait l'amour avec une femme pour avoir cet enfant? Bah oui. Donc tu es hétéro? Non, ça n'a rien à voir. Avec qui? Mais non, ça n'a rien à voir. Si. Un hétéro, c'est pas ça du tout. Un hétéro, c'est quand on est avec... Mais tu confonds avec une... Mais c'est bon, laisse tomber. De quoi? Si, c'est avec une nana et c'est tout. De quoi? Ouais, je préfère les nanas que les mecs, je t'ai déjà dit. T'es pas hétéro alors, t'es pas hétéro. Bah c'est quoi, ouais, il va falloir que je réfléchisse à ce mot-là. Puis mais non, hétéro, c'est comme les bi, c'est les mecs qui aiment les hommes et les femmes, Gérard. T'aimes pas moi, avec les hommes. Moi, je préfère que les femmes, c'est bah tout. Voilà, donc t'es un mangeur de femmes, t'es pas un mangeur de machin, donc t'es pas un hétéro. 30 ans dans la tête et 6 ans dans le dans les godasses, nous dit Musclor. Est-ce que Gérard est homo? Oui, nous dit-on sur le Minitel. Tu réponds non. Non, voilà. D'ailleurs, si vous voulez poser des questions sur le jeu de la vérité, également sur le Minitel, 3615, code Fun TV, format 9 la minute. Et on continue, Gaël ou Julie, avec... Nathalie. Nathalie, bonjour Nathalie. Tu as quel âge et t'appelles d'où? Bonsoir, j'ai 27 ans, j'appelle de Meaux. D'accord, très bien. On t'écoute, Nathalie. Bonsoir, donc je me présente, j'ai participé au débat des femmes et la semaine dernière, et Gérard m'a traité de travelou, donc Vas-y, quelle est ta question, Nathalie? J'aurais voulu savoir, Gérard, s'il était vrai que tu t'étais masturbé à chaque fois que j'intervenais à l'antenne. Non, alors là, je vais te dire une chose, c'est faux. C'est carrément faux, et puis alors, de toute manière, je me masturberai pas sur, sur un travelot, d'accord? Bonne réponse. Voilà. C'est le jeu de la vérité, ouais. Ah, voilà, t'es content de la réponse? Ah, je suis vraiment contente. Et ben voilà. Voilà, t'es content? Oui. Salut Nathalie. Salut. Salut Nathalie, qu'on retrouvera tout à l'heure lors des débats. Non, non, non. Je rigole. On accueille maintenant. Jean-Luc! Jean-Luc! Par hasard. Salut Max, salut Gaël, salut Cyril, salut Julie et salut Philbert. J'ai failli oublier l'autre con, Gérard. Bonjour, l'autre Gérard. Con, il t'emmerde, alors tu vas pas commencer à me faire chier, d'accord? Le jeu de la vérité, Jean-Luc. Jean-Luc. Oh putain, moi je vais arrêter tout à l'heure, hein, ça va aller vite. Hein. Alors, non, pitié, on a besoin de toi, Gérard. Alors, je te pose ma question. Je voudrais savoir si c'est vrai que chaque vendredi soir, dans tes toilettes, tu te prends plus d'une tonne de but dans ta boîte à caca. Bon alors, joker, dégage. Bon allez, deuxième joker, il y a le droit. Il reste encore trois questions et un joker pour Gérard. Qui accueillons-nous maintenant, s'il te plaît? Non, attention. Laurence. Laurence, bonsoir. T'as quel âge et t'appelles d'où? J'ai 21 ans et j'appelle de Lyon. D'accord. Qu'est-ce qui t'amène, Laurence? La question. La question pour Gérard. Bonsoir, bonsoir. D'ailleurs, bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Et bonsoir. Je voulais savoir, Gérard, combien as-tu eu de femmes dans ta vie? On peut dire que... Avec qui tu as eu des relations pendant au moins 6 mois, quoi, vraiment amoureuse durable. Et... Mmh. Alors, bon, il y a une, il y a eu celle où j'ai eu mon enfant. Mmh, non. Donc, ex, ça fait vrai. Mon ex. On a pas le droit d'avoir les prénoms? Non. Bon, c'est pas avant. Alors, non, j'ai dit avant. J'ai dit, on s'en fout justement. Avant, qu'il y avait eu quand? Ben avant, il y a eu d'autres. Non, ne me dis pas. Alors avant, il y avait une nana avant. Il y a eu celle avec qui j'ai eu ma fille, ouais. qui habite à Lyon, donc je donnerai pas son prénom. Oui, mais après, il y a eu Christine quand même. Il y a eu Christine. C'est les deux, vraiment. C'est les deux grands amours. C'est tout. Voilà, donc deux, vraiment. Ben, je te souhaite de trouver quelqu'un, alors. Bah oui. Bah, ça va venir, on va lui trouver tout ça, un petit cochon, pour qu'il puisse passer l'hiver bien au chaud, entre deux bons nichons. Question suivante, c'est à qui le tour, s'il te plaît, Gaël? Philippe, bonsoir, t'as quel âge et t'appelles d'où? Salut Max, salut Gérard, c'est salut. Philippe, 18 ans de Tours. On t'écoute Philippe. Alors, j'aimerais savoir Gérard, vu le niveau culturel et hautement philosophique de tes débats, j'aimerais savoir quelles études t'avais faites. J'ai fait aucune étude pour faire des débats. Il a fait des études de marché pour faire un chantier de son visage. Je prépare des thèmes de débat et avec quelqu'un qui habite pas loin de chez moi. Voilà. Mais sans bécherelle, vraiment sans dictionnaire, sans bécherelle, sans rien. Ah ok, bah je vais te dire ouais Gérard. Je vais te dire ouais. Tu t'es arrêté en quelle classe Gérard? Et je me suis arrêté en CM2. D'accord. Ah bah on comprend mieux alors. Bon, bonne soirée à tous et bonne bourre. Bonne bourre, bonne bourre à toi. Amuse-toi bien. Il en reste encore hein? Zoé. Zoé, pour conclure, c'est ça? Non, il y en a encore un. D'accord, Zoé, bonsoir. T'as quel âge et t'appelles d'où? Bonsoir, j'appelle de Rennes. J'ai 22 ans. Vous avez bien, t'écoutes. Alors Gérard, je voulais dire que je suis une admiratrice. Et j'ai aussi une question à te poser. On t'écoute, Zoé. T'es plumeau sexuel ou goliosexuel? Attends, ça veut dire quoi ça, cette histoire-là? Non mais attends, tu réponds, elle est géniale. Ouais, tu sors ça d'où? Homosexuel ou goliosexuel? Plumosexuel. Voilà. Maintenant tu sors ça d'où toi? T'as pas dit goliosexuel? Si c'est ça, est-ce que Gérard est plumosexuel ou goliosexuel? Et ça veut dire quoi en fin de compte? Tu sais pas ce que ça veut dire Gérard? Bah par exemple, Zoé, je pense qu'elle est plus goliosexuelle alors que moi je serais plutôt plumosexuel. Alors je sais pas, ça peut peut-être t'aider ça Gérard. Bon, attends, si on arrive à m'aider sur me dire ce que ça veut dire, si tu réponds, moi tu mets un joker. Non, mais il m'en reste plus qu'un, puis il reste encore une personne derrière, et je pense que ça va être encore un habituel, le dernier. Ah, donc tu préfères garder ton joker. Bon, tu peux essayer de m'expliquer ce que ça veut dire, là, tes deux questions. Non, mais tu vois, Gérard, tu connais Max. Ouais. Il m'a dit qu'il est plutôt plumosexuel. Ouais. Tu vois? Ouais, mais ça veut dire quoi? Tu préfères plus les nanas que les mecs, c'est voilà, ça? Voilà, exactement. Voilà, moi, je vais te dire une chose, dans ce cas-là, je préfère plus les nanas donc que... Donc, un goliosexuel. Voilà, je préfère plus les nanas que les mecs. Il y en a qui pensaient être un golio Gérardo. Non, c'est goliosexuel, alors. T'es goliosexuel, alors, Gérard? Ouais. Ouais. Oui, je préfère plus les femmes que les mecs. Donc tu dis, donc il faut que arrête avec ta caméra. Hey, tu vas pas me faire chier toute la nuit comme ça, parce que le débat, à 3h, je vais l'arrêter. Oh non! Alors tu vas pas me faire chier longtemps. Ok. Gérard, oui, je t'écoute. Je suis très contente de savoir que t'es goliosexuel. Est-ce que tu peux le dire, Gérard, que je suis un, tu es un? Tu es un golio, c'est lui, je préfère plus les femmes que les mecs. Donc voilà. Tu es un? Golio. Voilà, c'est un Golio. Voilà, bah, je suis très contente de le savoir. Bah, nous aussi, grâce à toi, Zoé. Grâce à toi, Zoé, il nous a dit la vérité. Ah, enfin, c'était pas trop tôt. On t'embrasse. De toute manière, j'ai toujours dit que je préférais les femmes que les mecs. Hein. Gaël, le dernier, ça sera. Deux derniers, parce qu'il y a tellement de questions, donc j'ai pas pu refuser, Gérard. Donc, vas-y. Si on veut pas. Donc, nous accueillons Franck. Franck, bonsoir. T'as quel âge et t'appelles d'où? Salut, Gérard. T'as quel âge et t'appelles d'où? J'ai 20 ans, j'appelle Marseille. On t'écoute, Franck. Alors, c'est une question pour Gérard. Écoute, Gérard. Combien de fois tu prends ta douche par mois? Dans un mois? Oui, dans un mois. J'apprends comme tout le monde. Ah non, elle est menteur, elle n'apprend pas tous les jours. Si. Non, sérieux, tu dois dire la vérité. Tous les jours, tu prends une douche. Non, tu réponds pas à ma question. Je prends tous les jours une douche. Mais pourquoi tu fais pas couler la flotte? Pourquoi tu fais pas couler la flotte? Il se met sous la douche. Comment? Est-ce qu'il paraît, des fois tu pues dans les studios? C'est Max qui le dit. Hein. Non, mais attends, je vais te dire une chose. Que là, à l'heure actuelle, il n'y a même pas un brin d'aération. Il n'y a même pas. On va quand même faire couler un petit peu la flotte. Hein, voilà, petit peu la... Moi, j'ai mon parfum dans ma poche. Et voilà. Ah, non. C'est là bien au-dessus. Il faut que Gaël te mette du parfum. Donc, je peux te dire une chose, que j'ai pris une douche ce soir. Ouais, ben on est en train de la prendre en ce moment. Hein. Ah bah oui, je vois, parce que là... T'entends surtout. Voilà. Ok, dernière question. Ouais, la dernière. Voilà, donc t'as pris la douche, on peut le dire. Dernière question, s'il te plaît. Avec... Écoute, j'arrive pas à comprendre son prénom. Bonsoir, quel est ton prénom? Oh non, bah tu me prends quelqu'un d'autre, là. Non, t'as, quel... Ça. T'as quel âge et t'appelles d'où? Tu donnes ton nom et ton âge, s'il te plaît. Oh, c'est bon, dégage-moi ça. Bon, voilà. Bon, je réponds même pas. Je te réponds pas, bonne nuit. Mais quelle est ta question? Est-ce que la queue de Gérard est toujours aussi petite? Voilà, je vais dire une chose, quand il parlera comme il faut, j'y répondrai de manière... c'est même pas la peine. On va reprendre quelqu'un d'autre à sa place. C'est terminé, c'était le dernier. Donc, tu vas joker. On arrête là, il est 1h du matin, j'aimerais attaquer les débats maintenant. Non, mais on va en prendre un vite fait au hasard. D'accord, alors qui? Donc, au hasard, Constant. Constant, c'est Gérard. Salut. C'est moi sur Tatou. Ouais, salut, connard. Salut, bâtard. Ouais, bah, bâtard toi-même. Alors, pose ta question et mène-toi, parce que tu vas dégager. Quand je t'appellerai Gérard, tu sortiras des chiottes de la loco. Bon, alors, je vais dire une chose, tu poses ta question et tu la fermes. Ma question, c'est, toi, quand t'étais routier, est-ce que tu t'arrêtais des fois dans les camionnettes des putes? Hey, tu fais gaffe à ce que tu fais, toi, là. Ok? Je t'encule. Hey, pour l'instant, c'est pas toi que je m'adresse. Ah, d'accord. Là, t'arrêtes maintenant, d'accord? Attends, il a fait valser la caméra, là. Ah bah bravo. Putain, il va la détruire, le matos. Tu sais combien ça coûte, ça? Oh hey, non, mais attends. Non, ça coûte 40 000 balles, ça. Oh, tu dégages. Et il répond à ma question ou pas? Alors, réponds. Alors, je vais te dire une chose, que quand j'étais routier, je m'arrêtais pas voir les putes, ok? Oui, oui, c'est ça. Donc, t'es content de la question? Non. Et je voulais savoir, tu pourras payer ma note de téléphone parce que le tatou ça coûte cher. Ah non mais attends, et Lascar, c'est toi qui t'amuses à me balancer des conneries sur mon tatou et tu veux que je te paye ta note? Bah, non mais tu rêves là mon pote. C'est pas de ma faute si j'ai vendu 500 camions Norovix. Ouais ben t'as vendu 500 kilos de conneries de chez toi. Et dans ton cul. Ouais pour voir Brocky va. Bonne nuit, trop dur. Je peux participer au débat? Non, tu vas te faire enculer, là, maintenant. Si. Là, tu vas te faire enculer, mais sérieusement. Eh oh, Gérard, le mot de la semaine dernière, mon patron. Eh ben, tu vas appeler ton avocat si tu veux, mais moi, je vais te dire une chose, que le prochain numéro de téléphone que j'ai de toi, je le balance en direct. Voilà. Parce que va pas dire que je m'amuse à insulter.